Conditions sur site, prix d'un appel local. Au fait, Antoine, c'est bon, j'ai mon rendez-vous. Ben, c'était facile, en fait. C'est pas vrai, c'est bien. Avec Sophie? Non, non, non. Ah, avec Marie, alors? Non, non plus. Attends, pas Céline, quand même. Mais non, chez Ford Service, et j'ai même eu 30 euros de remise. Mais comment t'as fait? Obtenir un rendez-vous en ligne n'a jamais été aussi facile chez Ford Service. Pour tous les clients Ford, profitez de 30 euros de remise exceptionnelle sur votre révision en réservant sur Ford.fr avec le code R30. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018, voire conditions sur Ford.fr. Merci à toute l'équipe, il est 9h30, on retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour Julien. Comment allez-vous? Fort bien. Oui, très bien. Écoutez, nous, il va y avoir pas mal de voitures, de PV, de radar, de mètres de Comont, etc. Donc, c'est tout ce qui nous intéresse. Tant qu'il reste de l'essence, on continue d'en parler. Quand il n'y en aura plus, on parlera d'autre chose. D'accord. C'est parfait, on vous suit. Ça marche. Allez, on fait le plein. On y va avec Jean-Claude, mesdames et messieurs, en direct, qui nous a envoyé cette mission. J'ai acheté un véhicule neuf. Il était inclus la reprise de mon ancienne voiture en location avec option d'achat. Alors que mon crédit a été soldé par la concession, l'organisme de crédit m'a prélevé 1734 euros de trop. Nous enchaînerons sur le cas d'Adrien, qui lui est restaurateur. Je vous appelle de Maine-et-Loire. Je suis restaurateur, j'ai acheté un véhicule frigorifique avec un attelage adapté à un professionnel. Je l'ai payé 39 960 euros. Et quand j'ai installé la remorque pour la première fois, le système d'allumage des feux ne fonctionne pas. Le vendeur ne veut rien faire. Pendant ce temps, je dois emprunter un autre véhicule. Et puis il y aura la farandole, des cas qui ne sont toujours pas résolus, avec le gros cas de cette fin d'année, celui de Jean-Marc. Je vous appelle de Paris, où je gère un magasin de réparation et de location de deux roues. Un client m'a fait un en bois alors que j'ai réparé sa moto-taxi accidentée. J'ai dû aller en justice et il a été condamné à me verser 9000 euros. J'attends toujours qu'il me règle. Et tout ceci se fera dans l'esprit de Noël avec la mère Noël, Maître Felonneau, le père Noël de Caumont, les lutins, Hervé et bien sûr Bernard et toutes les équipes de Zazar, le méchant père Noël. C'est le père Fouettard. Zazar. Alain Hazard, rédacteur en chef, on raconte aux enfants qui ne sont pas sages. Le père Zazar va venir si tu ne travailles pas bien. Que vous dire? Que l'on peut faire le 32-10 pour passer à n'importe quel moment dans l'émission. C'est 50 centimes d'euros la minute. Ou pour une gratuité totale, Facebook, la page, ça peut vous arriver. Ou encore RTL.fr. Voici maintenant Jean-Claude qui arrive sur l'antenne d'RTL en direct. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Julien. Oui, je te reçois et je te copie. Tu nous appelles d'où, mon Jean-Claude? Ben, j'appelle de la région bordelaise. De Pessac? Exactement, oui. Je connais dire, mais tous les quartiers de Pessac. Pessac Toctuco, Pessac Sardine, Pessac Alouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Jean-Claude? J'en oublie un. Pessac Montballon. Montballon, c'est là. On y voit passer des rhinocéros, des gnous en banlieue bordelaise à Montballon. Nous allons donc, Jean-Claude, attention, et commencez votre histoire si vous le voulez bien, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Alors bonjour à tous. Voilà, j'ai l'habitude depuis quelques années de faire un LOA dans des concessions et je change régulièrement tous les 18 mois au lieu d'attendre les 3 ans tous les 18 mois, 20 mois suivant. Jean-Claude, me permettez-vous de vous interrompre, oui, s'il vous plaît, pour expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est cette fameuse LOA, qui est un principe tout simple que Maître de Caumont va nous expliquer. Maintenant, je dis Maître de Caumont, tant qu'il est là, autant s'en servir, vous êtes d'accord, oui, Jean-Claude? Oui. Vous allez le faire, mais vous allez voir, oui, il n'est pas si mauvais que ça. Allez-y. Merci Julien, ça me booste. La LOA, c'est une location avec offre d'achat, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'achetez pas a priori au départ le véhicule, on vous le loue, c'est avantageux parce qu'il y a des mensualités évidemment qui sont pas très élevées et vous y accédez assez facilement. Et au bout d'une durée qui est fixée au départ par le contrat, si vous souhaitez, vous avez une offre d'achat et vous pouvez donc vous porter acquéreur et garder définitivement le véhicule en rajoutant une somme relativement modeste à l'arrivée. Bien, donc vous avez ce véhicule en LOA et vous décidez quoi, de le récupérer, de l'acheter? Non, Julien, je vais conforter ce que vient de dire Maître. En fait, c'est une location sur 3 ans, le LOA. Sauf que vous pouvez à tout moment revendre votre véhicule au bout de 18 mois, de 20 mois, de voilà. Donc moi j'ai l'habitude de le faire tous les 18-20 mois, de changer de véhicule. Donc j'ai été dans une concession, au bout de 16 mois, mon véhicule a été repris par cette concession, pour pas dire le nom bien sûr, et cette concession a viré l'argent que je devais pour la fin de concession, 17 000 et quelques euros. Mais Mais apparemment, ce virement, même avec les, tous les. Jean-Claude, est-ce que cette histoire, on se posait tous la question, a une fin? Parce que on se demande ce qui vous est arrivé, Jean-Claude. Dites-nous tout simplement qu'ils vous ont donné, ils vous ont pas remboursé assez, c'est ça? Alors, en fait, ils ont continué à me prélever. La première concession, malgré qu'elle ait été virée de la deuxième, a continué à me prélever 346,99 € pendant 5 mois. Donc, si j'ai bien compris, il a vendu sa voiture, qui était donc en location. Il payait un loyer tous les mois. Alors qu'il l'a vendu, il n'aurait plus dû payer les loyers. Pourtant, on a continué à lui prélever. Amen, oui. Exactement, Jean-Claude. Bon, alors, Maître de Caumont, il n'y a rien d'extraordinaire, sinon que lui, le problème, c'est 1734 €. Il aimerait bien les revoir. Simplement, permettez-moi de vous demander, Jean-Claude, quand vous leur dites, les gars, il y a eu une erreur, vous avez continué à me prélever alors que j'avais vendu la voiture, que vous répond-on? Ah, on me balade de poste en poste. J'ai envoyé deux lettres commandées pour. J'ai reçu de la part de la première concession une lettre recommandée avec des menaces d'être. D'être quoi? D'être fiché à la Banque de France, bon. Parce que j'avais fait une opposition, forcément. D'accord. Quand je m'en suis aperçu, au mois de septembre, j'ai fait une opposition à ma banque. Ah, ok. Alors, Maître de Caumont, c'est vrai que se faire justice soi-même, attention, mais il arrive à un moment donné où, quand c'est intolérable et qu'on est prélevé à tort, on peut aussi essayer de réagir comme l'a fait Jean-Claude. Oui, enfin, se faire justice soi-même, Julien, il n'a pas pris son flingue pour aller dessouder qui que ce soit. Hein. On va essayer d'être raisonnable, on va remettre les choses en place, on lui prélève indûment des sommes alors qu'un contrat est terminé, il patiente un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, puis au bout d'un certain temps, il dit juste à sa banque, vous arrêtez l'autorisation de prélèvement que je vous avais donnée, ce qui est d'ailleurs prévu dans tous les contrats, et vous ne continuez pas à leur verser ce qu'ils veulent prélever tous les mois. C'est tout. Ça me paraît dingue qu'à un moment donné, il n'y ait pas quelqu'un dans cet organisme qui dise, attendez, ce monsieur, peut-être qu'on pourrait regarder son dossier, peut-être qu'il a raison. Effectivement, j'ai l'impression qu'on lui prend des loyers alors que la voiture, il l'a rendue. Oui. C'est complètement fou. Allez, un mot de Maître Fellonneau et nous lançons l'appel. Il y a des preuves écrites qui sont absolument faciles à lire, qui ont été transmises, et je ne vois pas pourquoi cet organisme de crédit continue à faire ses prélèvements. Allez, vous êtes sur le coup, Hervé et Charlotte. Nous allons lancer l'appel dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Mesdames et messieurs, ça sera le premier cas. Le deuxième arrive. Adrien, il est restaurateur. Il a payé quasi 40 000 € pour rien. Son camion frigorifique ne fonctionne pas. C'est sur RTL que nous allons régler tous ces problèmes. Si vous nous appelez au 3210. Bonne journée à vous tous. Leclerc. Chérie, tu notes mercredi 5 décembre chez Leclerc, 50% de tickets Leclerc sur toutes les décos de Noël. Toutes les décorations de Noël? Oui madame, les boules, les guirlandes, les décos de Noël électriques, le tout avec 50% de tickets Leclerc. Je vais te faire un de ces sapins. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Le 5 décembre, bénéficiez de 50% de tickets Leclerc sur toutes les décorations de Noël. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 50% de tickets Leclerc sur la déco de Noël? Mercredi 5 décembre seulement. Non reto. C'est bon pour les niveaux de la voiture? Ah oui, c'est même super bon. Enfin, t'emballes pas quand même, t'as juste remis de l'huile. Oui, mais à prix Noroto. Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits. Comme l'huile Total Activa 9000 5W40, maintenant à seulement 32,95 € les 5 litres. Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture. Il est pas trop fort ton champion? Oui, c'est mon champion. Alors. Noroto. Conditions sur noroto.fr. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous avez envie de confort à Noël et que vous achetez un ensemble matelas et sommier grande largeur, nous, on vous offre 50 € sur les couettes, oreillers et le linge de lit. Alors foncez les yeux fermés. Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche. Liste et conditions sur Conforama.fr. Messieurs, dames, notre voyage continue, direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut. Et en plus, c'est beau. À Noël, chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 € par mois pendant un an, puis 41 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 €. Pendant ce temps, chez Renault, j'adore. Faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99 € par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2000 euros plus 36 loyers de 99 euros. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 euros hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Tu sais, à ton âge, j'avais le droit à une clémentine pour Noël. À ce prix-là ? Mais je sais pas, on fera dans tes parents. Aujourd'hui, le mini-colis de 2,3 kg de clémentine est à 1,99€. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 87 centimes le kilo. Variété Clémenoulès, calibre 3-4, catégorie 1, origine Espagne. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Nous avons lancé un premier cas, c'est celui de Jean-Claude sur RTL. Un organisme de crédit lui doit 1734 euros. Tous les mois, il remboursait des mensualités pour une voiture en location avec option d'achat. Le contrat est terminé, mais les prélèvements continuent. Ce qui est fabuleux dans ce dossier, c'est que personne ne se pose sur son dossier. Alors peut-être qu'on est passé nous-mêmes complètement au travers et que Jean-Claude a tort, mais Jean-Claude nous dit... J'ai rendu la voiture, donc arrêtez de me prendre des loyers. Et apparemment, donc du coup, il s'est énervé. Il a dit maintenant, je dis à la banque de ne plus vous payer. Et là, on le menace d'interdit bancaire. C'est parti, nous appelons l'organisme de crédit. Je serais très surpris que ça ne se règle pas ce matin, Jean-Claude. Ou alors, vous nous avez, comme on dit, Crédit Part, bonjour. Bonjour, madame Crédit Part. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, peut-être avoir, monsieur, un responsable du recouvrement sur un recouvrement qui semblerait ne pas être dans les règles ? Oui. Alors, je vais prendre un numéro de contrat pour identifier les Avec plaisir, madame. Est-ce qu'on a un numéro de contrat donné à cette dame ? Oui, je le vois. 101. Comme les Dalmatiens, d'accord. Ensuite, G comme Gaspard, 9, 1, 2, 0, 3, 8, 4. Et ça s'arrête là. Et vous devriez tomber sur une Peugeot. Non, de monsieur Jean-Claude Salle. Voilà, c'est bien lui. Alors, monsieur Jean-Claude Salle, il a rendu sa voiture et on a continué à le prélever. Alors, merci de patienter. Je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Un interlocuteur. C'est très gentil. Alors, il y a, je crois, une dame qui s'appelle, mais je ne sais pas si c'est votre service, madame Correa. Non. Ça ne vous dit rien. Bon, ça doit être la comptabilité, ça. Alors, quand vous voulez, je vous attends, madame. C'est très gentil à vous, en tout cas. Merci. Merci de patienter. Alors, Jean-Claude, cette dame est allée chercher un interlocuteur. Nous allons donc, comme nous sommes le miroir de ce que vous vivez au quotidien, passer les différents barrages pour remonter, s'il le faut, jusqu'à la direction. En tout cas, Hervé a récupéré l'appel. Dès que quelqu'un arrive en ligne, pim, ça sera donc la petite alerte. Et puis, Adrien, lui, nous dira dans une seconde... qu'il est restaurateur. Il a acheté un camion à presque 40 000 euros. Un camion frigorifique qui ne marche pas. L'effet ne fonctionne pas. Tout ceci se faisant dans la bonne humeur, dans le rythme, dans le gold. Voici ABBA, Knowing Me, Knowing You. Joyeux Noël. Abba sur RTL, Knowing Me, Knowing You. Toujours rien du côté du cas de Jean-Claude que Céline nous rappelle. Qui a résilié un contrat de location de voiture avec option d'achat. Pourtant, l'organisme de crédit continue de le prélever. Où en est-on, Hervé Pouchol, s'il vous plaît? Une attente musicale de Jean-Baptiste Grimbert, je vous fais écouter. Alors, écoutons. Oui, c'était à la période, effectivement, où Jean-Baptiste venait de divorcer et apprendre que, malheureusement, il aurait des hémorroïdes toute sa vie. Donc, du coup, ça c'est. N'importe quoi. Ça s'est ressorti dans sa musique, on sent quand même un désarroi. Non, pas parce qu'il a divorcé, ça l'avait plutôt mis en joie, mais c'est pour la deuxième nouvelle, là, il n'avait pas supporté. Alors, donc, nous n'avons toujours personne? Moi, je le reprends. Non, pour l'instant, d'accord. La personne cherche justement son supérieur. Maître Felloneau, vous venez de me donner sur ce dossier deux pièces à conviction que je donne au greffier. Exactement. Alors, il s'agit de l'ordre de virement qui a été fait au mois d'avril. Donc, ça remonte effectivement au moment de la restitution du véhicule. Donc là, est-ce que vous êtes... Non, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes réveillé ce matin ou est-ce que vous êtes toujours, en fait, en train de rêver peut-être dans votre sommeil? Non, je ne rêve pas parce que je ne rêverai pas de pièces comptables, de virement. D'accord. Je vous le dis tout de suite. Donc là, il y a la preuve du virement de 18 000 et quelques euros. Et ensuite, vous avez un relevé informatique qui indique bien crédit soldé. Et arrêtez de vous moquer parce que quand vous aurez la dame au téléphone, vous serez bien contente de lui dire « Mais madame, j'ai sous les yeux la preuve que vous avez encaissé l'argent. » Bon, en tout cas, vous nous rappelez de plus en plus Sue Hélène qui, dès le lever du matin, se servait un porto. Nous allons maintenant... Il y a la pêche, Julien. Pardon, non, j'ai pas la pêche, je ne fais que constater. Vous savez, moi, j'observe ce qui se passe autour de moi, la vie est là. Nous allons donc attendre que cette personne nous réponde, Jean-Claude, et donner la parole à Adrien qui va nous résumer son cas. Adrien, je vous écoute. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Vous nous appelez d'où, Adrien ? Du Maine-et-Loire, Angers. Allez, c'est parti, c'est à vous, Adrien. Expliquez-nous clairement le but de votre appel, s'il vous plaît. C'est parti. J'ai acheté un camion à un professionnel. Je lui ai demandé l'installation d'un dispositif d'attelage. Malheureusement, je n'ai jamais pu m'en servir. Rien ne fonctionne. Alors, quand vous dites tout rien ne fonctionne, ouais. tout le faisceau électrique de l'attelage, n'a jamais fonctionné. Donc vous ne pouvez pas quand vous freinez. Voilà, d'accord. C'est obligatoire quand vous freinez, les feux stop. Bon, alors ça, vous lui avez dit. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? J'ai eu une dernière conversation par mail le 19 janvier qui met en cause son sous-traitant. C'est là où j'ai appris qu'il y avait un sous-traitant dans l'affaire. Et depuis, j'ai pas trop de nouvelles. Bon, alors tout de suite, on va avoir une règle d'or dans une seconde avec Maître Decaumont qui va déjà nous dire si c'est le problème de Adrien d'avoir un sous-traitant ou non. Et deux, il faut maintenant, qu'est-ce que vous voulez, le remboursement ou vraiment avoir une remorque qui marche dans les jours qui viennent? Non, j'ai besoin de ce dispositif sur le véhicule et j'aimerais que ce soit en conformité avec les directives constructeurs. Simplement. Parfait. Eh bien, on s'en occupe. Vous me laissez quelques secondes pour essayer de prendre les remorques pour les nuls, pour essayer d'avoir quelques bases. Et ensuite, nous allons donner justement la parole à Maître Decaumont, qui est souvent surnommé la remorque de l'équipe, parce qu'il est un peu à la traîne. Mais là, croyez-moi, il va vous aider. C'est le meilleur. Il y aura peut-être une alerte juste après cette pause. Je vous confirme. Allez, à tout de suite. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture ? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers ? Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Depuis plus de 20 ans, au moment des fêtes de Noël, l'association La Grande Récré pour l'Enfance collecte des jeux et jouets pour les enfants en difficulté. Déposez-les dans la Haute de l'Amitié, dans l'un de nos 130 magasins La Grande Récré partout en France. Un grand merci pour les enfants et joyeux Noël à tous. Liste et adresse sur lagranderécré.fr. Tiens, encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. Ce week-end, j'organise un petit truc à la maison et j'ai besoin d'un conseil. Bien sûr, Michel, dites-moi. Alors voilà, je cherche un vin pour accompagner mon délicieux foie gras. Ne cherchez plus, Michel. Chez Carrefour Market, il y a 50% de remise immédiate sur de nombreux produits de grandes marques. Par exemple, jusqu'au 16 décembre, la bouteille de Montbazillac Réserve 2017 est à 3,97€ seulement. C'est parfait pour le foie gras, ça. Vous êtes un sacré expert. Carrefour Market. La bouteille de 75 centilitres pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. Passez une bonne matinée avec RTL. Alors, une colonne de douche thermostatique pour mamie, une pergola pour François, un porte-chaussures pour mon cousin, des mitigeurs pour les enfants, et une penderie sur mesure pour moi. Jusqu'au 31 décembre, c'est le Noël des prix bien faits chez La Paire. Et on vous offre 20% de remise sur votre article préféré. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Offre valable hors cuisine, conditions sur lapaire.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? C'est la foire au vin de Noël. Ah oui, et là ils sortent le champagne brut Jacques Laurent, grande réserve AOC de leur réserve. Monsieur Pétille d'humour. Bah riez pas, hein. Dès demain, pour une bouteille achetée, la deuxième est à moins 50%. Ça fait 24,98€, soit 12,49€ la bouteille. Notez une étoile au guide achète 2019, hein. Alors, j'achète ? Là, j'ai plus le sens de l'humour. Ah oh, bah mince. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 16,65€ le litre et la bouteille vendue seule. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Juste avant la pause, Hervé nous a dit qu'il y aurait peut-être une alerte sur le cas de Jean-Claude. Il a résilié un contrat avec un organisme de crédit, mais les prélèvements continuent. On lui doit 1 734 €. Dois-je comprendre que l'alerte s'est transformée en fausse alerte ? Je vous le confirme tout à l'heure. Vous confirmez beaucoup ce matin. Patientez, je vous passe ma responsable et j'ai eu la responsable en ligne qui s'appelle Fatou. Je lui ai expliqué le dossier. Elle m'a dit, je vous demande quelques secondes de patience. Bon, eh bien, nous attendons ça fait maintenant 3 minutes. C'est pas grave. Nous attendons que Fatou essaie d'étudier le dossier. Nous allons la reprendre dans quelques instants. Et puis là, nous allons attaquer le deuxième cas. Ah, ça y est, c'est l'alerte maintenant. Quittez pas Fatou. Je vous passe Julien Courbet. Bonjour Fatou. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'RTL et merci de vous occuper de nous. Comment peut-on avancer sur ce dossier, s'il vous plaît, madame? Alors, donc, je vous confirme que le règlement, le remboursement a été fait. Notre client le recevra sur son compte dans les 48 heures qui suivent. Donc, nous avons pris connaissance du dossier, l'avons traité en urgence. Eh ben, c'est parfait, vous avez entendu Jean-Claude ? Oui, ben, Julien, ce qui est malheureux, c'est que moi, ça traîne depuis 3 mois. Non, mais ça, Jean-Claude, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre sur l'antenne, puisque nous sommes là pour ça. Si ça ne traînait pas, l'émission n'existerait pas, Jean-Claude. Donc, tout va bien. Ce qui compte, c'est que les gens, quand on les appelle, disent effectivement, des erreurs, il y en a dans toutes les boîtes, ça peut arriver. On les appelle, ils regardent, oui, vous avez raison, on le rembourse. Donc, normalement, ça sera Noël dans 2 jours. Fatou, merci beaucoup pour votre professionnalisme. Je vous souhaite une belle journée, un joyeux Noël. Ben voilà, mon Jean-Claude, soyez positif, pas de rancœur. Dans 2 jours, vous allez pouvoir avoir votre argent, Jean-Claude. Je pourrais aller, s'il existait toujours, le Macumba. Et ah non, ça c'est fini, il a été rasé. Et oui, je sais bien, oui. Il a été rasé, par contre, ben, venez me voir, je suis le 12 janvier en spectacle chez vous au Casino de Bordeaux. Avec ce que vous allez toucher là, vous pouvez acheter deux places, hein. Le type qui vend ses places comme ça, dit, je t'ai aidé, tu peux au moins prendre deux places. Non, mais bien sûr, bon Jean-Claude, mais peut-être qu'on se verra le 12. Le 12 janvier, Casino de Bordeaux. Ouais, effectivement, et on boit un coup après. Eh bien, ce sera avec plaisir. Peut-être même avant. Je ne suis pas sûr, mais ça se peut aussi que ça soit pendant. Allez, on verra bien. Merci beaucoup, merci. Alors, nous allons maintenant faire une règle d'or. Merci en tout cas, tous. Sous forme de conseil, merci Jean-Claude, joyeux Noël. Cette fameuse LOA dont on a parlé, bon plan, mais attention, il peut y avoir aussi des pièges. La règle d'or sur RTL. Quels sont les pièges qu'il faut éviter à tout prix, maître de Comment, quand on fait de la location comme ça longue durée ? Disons qu'il faut bien réfléchir avant de se décider pour une LOA. Si vous voulez, pour résumer, pour un professionnel, ça se comprend très bien. Il y a d'énormes avantages, on déduit les loyers au fur et à mesure. Disons, comptablement, fiscalement, c'est très intéressant. Une société, hein ? Une société, un professionnel, si vous passez le véhicule en dépenses professionnelles, c'est très avantageux. Pour un particulier, il n'y a pas du tout les mêmes avantages fiscaux, en matière d'imposition ou quoi que ce soit. L'énorme avantage qui fait que beaucoup de particuliers plongent pour la LOA, c'est que vous n'avez pas un apport personnel conséquent à faire, que finalement c'est très indolore et que vous pouvez en plus, comme nous l'a très bien expliqué Adrien, changer souvent de véhicule. Et si vous passez d'une LOA à une autre, vous repartez sur un véhicule neuf, vous avez toujours un véhicule très récent, en très bon état, et vous en changez souvent. Le piège, c'est quand ça se passe mal. Le piège, c'est quand vous n'arrivez plus à payer. Ou le piège, c'est quand éventuellement le véhicule est volé ou détruit. Et là, vous pouvez avoir très très mal. Parce qu'effectivement, vous pouvez vous retrouver avec un crédit, une location à continuer à payer. Alors, oui, mais j'ai pas une assurance quand même sur ma LOA. Là aussi, soyez très, très, très vigilant sur ce qui vous est proposé comme assurance. Consultez votre assureur d'un côté, consultez l'organisme qui vous propose la LOA. Souvent, d'ailleurs, c'est le concessionnaire automobile qui a un organisme qui s'en occupe. Et vérifiez très, très bien ce qu'il en est en cas de destruction par vol, par incendie ou par un accident parce que, grave. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'organisme de crédit à qui appartient à la voiture, lui, ne va pas chercher à comprendre tant qu'elle n'est pas payée jusqu'au bout, vous continuerez à être prélevé. Tout à fait. Et par exemple, il peut y avoir une indemnisation dérisoire par rapport à la valeur réelle du véhicule en cas de perte totale. Et ça moi, je vois très souvent des dossiers arriver. Je traduis au fur et à mesure. J'ai acheté une voiture, 15 000 euros, elle est détruite, accident, etc. L'assurance dit on vous en rembourse 3 000. Mais ici, il vous restait encore 10 000 à rembourser. L'organisme de crédit dit, mais moi, tant mieux si tu as pris 3 000, mais moi, tu me dois 10 000. Voilà. Et il faut pourtant racheter notre voiture. Effectivement, vous voyez, quand vous me dites tout ça, c'est beaucoup moins attractif quand on est particulier. Encore une fois, pour un particulier, tant que tout se passe bien, pourquoi pas. Bon. Mais bordez-vous bien avant de vous lancer là-dedans sur la façon dont ça se passera en cas de pépin. La couette, il faut qu'elle soit vraiment jusqu'au menton, au-dessus de la barbe comme pour le capitaine. Exactement. Voilà. Alors, Adrien nous a expliqué son problème. Maître Félonneau, nous allons rappeler dans quelques instants. Vous nous rappelez les tenants et les aboutissants. C'est votre dossier pour ce problème de remorque. C'est mon dossier ? Eh bien, je veux bien. Alors, Adrien, rappelez-nous de quoi il s'agit. Alors, Adrien, lui, ce matin, c'est très laborieux. C'est pas mon dossier. Non, mais c'est le porto, ça. Adrien, lui, il a acheté un véhicule frigorifique avec un attelage. Et quand il a voulu faire fonctionner son attelage... Effectivement, c'est pas votre dossier. Quand il a voulu faire fonctionner son attelage, figurez-vous que le système d'allumage des feux, notamment quand on veut freiner, ne fonctionne pas. Donc c'est extrêmement dangereux, il ne peut pas rouler avec cet attelage. Donc il n'est pas content et on le comprend. Bon, est-ce que vous savez, Maître de Comont, qu'elle est tombée malade hier? Non. Elle a attrapé la sabaïte. La sabaïte? Vous ne connaissez pas cette maladie? C'est contagieux. Eh bien, elle s'est mise à parler, comme Bernard Sabat, écoutez. En un mois après, il se gêne pas pour le débiter. Pour le débiter. Le débiter. Imagine, mais là, elle va soigner. Nous allons nous occuper d'Adrien dans une seconde sur l'antenne d'RTL. D'ailleurs, lui-même, il a payé. Il voudrait être débité. Et oui. Quand tu as été débité, la moindre des choses, c'est quand même de débiter. De débiter. Enfin, on veut être débité. Et si on parlait Renault Occasion? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficie aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. J'ai trouvé un super cadeau de Noël pour ma femme dans le catalogue cadeau Carrefour. Un magnifique pull 100% cachemire à 49,99€. Non mais un cachemire à seulement 49,99€. Résultat des courses, un cadeau doux pour ma femme et mon porte-monnaie. Jusqu'au 10 décembre pour Noël, découvrez des centaines d'idées cadeaux à prix exceptionnel dans vos hypermarchés Carrefour. Comme par exemple le pull Tex 100% cachemire double fil à seulement 49,99€. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Taille S à XL, homme ou femme, différents coloris, guide cadeau, magasin participant et ouvert sur carrefour.fr. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent un, pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99€, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Tu reviens d'où comme ça ? De la pharmacie. Pour les médicaments de maman ? Ouais, le pharmacien m'a donné des médicaments Mylan. Les mêmes qu'à l'hôpital. C'est ça. En même temps, j'ai entendu que Mylan était présent dans 90% des hôpitaux. Ah ben moi, ça lui changera pas ses habitudes. Par contre, toi, faut que tu te mettes au sport, frérot. En plus d'être présent dans plus de 90% des hôpitaux, Mylan s'engage à choisir des excipients limitant au maximum les risques d'intolérance. Demandez conseil à votre pharmacien. D'après élément démographique 2017, panorama au 1er janvier 2017. Ordre national des pharmaciens et données internes. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Il y a les vins très... Et puis, il y a le Bordeaux qui se fait remarquer. Blaye Côte de Bordeaux. Authentique et convivial, Blaye Côte de Bordeaux a une touche d'audace en plus. Attention, l'AOC Blaye Côte de Bordeaux peut vous faire changer de regard sur le Bordeaux. Blaye Côte de Bordeaux, remarquable. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Leclerc. faire. Chérie, je réfléchissais au menu pour les fêtes de fin d'année. On va peut-être se faciliter la tâche. Viens voir tout ce que propose le service traiteur Leclerc. Mais ça a l'air très bon, ça. Super, à partir de là, je m'occupe de tout. L'apéritif, les entrées, les plats, les desserts. Je choisis, je commande en ligne ou en magasin et je retire dans le Leclerc de mon choix. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc en ligne ou en magasin. Commande et modalités en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Attends, ça a l'air très très bon. Ah ok, ça aussi. Mais tu sais qu'il faut choisir quand même. Oh non. Merci d'avoir choisi RTL, vous écoutez le 9h30-11h. Deux cas ont été lancés, un déjà résolu. L'appel pour le deuxième arrive après les infos. Il est 10h. Et c'est Agnès Bonfillon que nous retrouvons pour les infos. Bonjour Agnès. Bonjour Julien, bonjour à tous. En moratoire sur la hausse des taxes du carburant, l'exécutif fait un geste en espérant que cela suffise à éviter un acte 4 des Gilets jaunes samedi, à amorcer une sortie de crise. Édouard Philippe doit faire cette annonce officiellement dans la matinée devant les députés de La République En Marche. Concrètement, ce moratoire signifie la suspension, le gel de ces taxes pendant plusieurs mois. Un premier pas, mais insuffisant, estime d'ores et déjà certains porte-parole du mouvement. Des appels à manifester pour le quatrième samedi consécutif circulent déjà sur les réseaux sociaux. Du côté des opposants, première réaction également. Ce moratoire n'est évidemment pas à la hauteur des attentes, c'est ce qu'estime Marine Le Pen. Sachez, c'est une information RTL de Philippe Demaria, notre correspondant en Gironde, que 5 hommes ont été interpellés à l'aube. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le saccage du péage de Virzac sur l'A10 lors du premier week-end de manifestation des Gilets jaunes. Ces derniers avaient tenté d'intervenir d'ailleurs, d'empêcher l'intervention de ces casseurs. En vain, un groupe avait incendié les cabines du péage et fracturé les locaux techniques. Dans le reste de l'actualité, le retour de Francis Holm devant les assises. Le tueur en série de 59 ans est rejugé à Versailles aujourd'hui pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Reconnu coupable de ses crimes l'an dernier, il nie toujours et a fait appel. L'arrestation du nouveau chef de la mafia sicilienne en Italie, donc Mineo, c'est son nom, un bijoutier de 80 ans, a été interpellé il y a quelques heures avec 45 autres personnes juste avant son intronisation à la tête de Cosa Nostra. La Bourse de Paris ouvre en recul, moins 0,34%. Le CAC 40 perd 17,03 points exactement. La météo, ce matin, le ciel est encore gris sur une grande partie du pays, avec quelques averses, sauf sur les côtes méditerranéennes, l'ensemble de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Pyrénées et le Nord-Pas-de-Calais. Là, c'est du soleil. Cet après-midi, petite amélioration avec des averses quand même à l'ouest de la Bretagne et sur les reliefs de l'est. Les températures, 9 à Langres, 10 à Lille et Metz, 11 à Paris et Caen, 12 à Orléans et Aurillac, 13 à Rennes, 14 à La Rochelle, 15 à Nantes, 17 à Bordeaux ou encore 20 à Ajaccio et Bastia. Fabriqué en France, les oreillers et couettes Cola Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. Les courses ont lieu à Vincennes aujourd'hui. Les pronostics sont signés Claude Piersanti. Il vous conseille de jouer le 4, le 2, le 15, le 7, le 17, le 5, le 18 et le 10, dernière minute, le 15. Il est 10h03 sur RTL. La suite de Ça peut vous arriver. C'est à vous, Julien Courbet. Pourquoi me prenez-vous ma feuille ? Ça tombe bien, ce sont les mêmes dates. Je viendrai chez vous pour un moment d'intimité. Le 4, le 2, le 15, le 7, le 17, le 5, le 18 et le 10. Dernière minute, Maître de Coumont, viens avec moi. Le 5. Voilà. Viens tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Regardez, comme vous l'avez rendu heureux. Vous voyez, la simple idée, parce que oui, ça ne se fera jamais, la simple idée d'y penser, oh, le rendre heureux. Oui. Quand vous pouvez rendre les gens heureux. Ah, mais si je peux faire plaisir, je reviens à 11h. À tout à l'heure, 11h, Agnès Bonfillon. Mesdames et messieurs, sur la première radio de France, vous écoutez l'émission la plus écoutée de France qui chaque jour vous fait des cadeaux en réglant vos problèmes et vous fait augmenter ainsi votre pouvoir d'achat. Voici Ça peut vous arriver. It's the most wonderful time of the year. Le point sur tous les cas. C'est la Minute Info. 9h30, nous avons démarré avec le cas de Jean-Claude. Il a résilié un contrat avec un organisme de crédit et pourtant, tous les mois, il continue d'être prélevé. Et puis nous avons eu, grâce à Hervé Pouchol, le Fatou chez Creditpart qui nous a dit... Eh bien, sous 48 heures, eh bien, notre ami sera remboursé. C'est formidable, c'est magnifique. Et puis, il y a eu le deuxième cas, celui d'Adrien. Adrien, c'est 40 000 euros pour un camion avec lequel il ne peut pas rouler. Alors là, nous n'avons pas encore lancé les appels, on ne comprend pas. Et il y a cette histoire, j'avais dit qu'il y aurait une petite règle d'or, la voici tout de suite. La règle d'or sur RTL. On est bien d'accord, Adrien, et je le dis pour que Maître de Comon nous en dise plus, qu'aujourd'hui, celui qui vous aurait vendu cette remorque vous dit « Non, mais il y a un problème avec un sous-traitant, c'est ça ?» Celui qui m'a vendu le véhicule et qui a proposé l'attelage, oui, il y a bien un problème avec le sous-traitant. Alors, est-ce que c'est le problème qu'il y avait un sous-traitant. Est-ce que c'est le problème d'Adrien ? Absolument pas, Julien. Absolument pas. Lui, il a acheté un camion auprès d'un professionnel. Ce camion, bien évidemment, étant prévu avec un attelage, l'attelage, c'est pas fait pour décorer. L'attelage, c'est fait pour tracter une remorque. Et pour tracter une remorque, non seulement il faut pouvoir l'accrocher à la bout de l'attelage, mais il faut aussi pouvoir brancher l'électricité pour que la remorque, évidemment, soit alimentée électriquement. Si ça ne fonctionne pas, il y a effectivement la responsabilité du vendeur. Et le fait qu'il sous-traite toutes ces histoires-là, c'est absolument pas le problème d'Adrien. Allez, nous allons nous en occuper et lancer l'appel dans une seconde avec vous, Bernard Sabat. Oh, Adrien. Tu n'es que la remorque, elle s'éclaire pas derrière. Oh, Adrien! Vous êtes prêt, Adrien, pour l'appel? On y va. C'était ma façon de rendre hommage à Johnny. J'essaie de rendre des hommages qui soient en adéquation avec l'émission. À tout de suite, évidemment. Et puis, il y aura la grande farandole des cas, troisième cas à venir, ma petite avec Céline. Avec Jean-Philippe, vous savez, c'est notre auditeur chez qui on fait pipi la porte ouverte. C'est vrai. Et voilà, 30 000 euros payés à un artisan et les travaux ne sont pas terminés. Vous dites pipi, mais bon, enfin bon. Elle ne se ferme pas au moment de la grosse commission. Hein. Aussi. Alors, projecteur full LED, caméra de recul, parc assist, 5 ans de garantie. Ça va jamais tenir dans ma haute, tout ça. Mais tout est déjà dans la Seat Arona Urban à 159 euros par mois. Ah, alors je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV Seat Urban. Offre particulière pour toute commande d'une Arona Urban 95 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée 37 mois, 30 000 km maximum. Premier loyer de 2 000 euros, puis 36 loyers de 159 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Garantie constructeur jusqu'à 5 ans ou 100 000 km. Conditions sur Seat. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous n'avez qu'un seul cadeau pour faire l'unanimité, nous, on propose la télé connectée Samsung 138 cm Ultra HD à 699 euros. Et à ce prix-là, c'est toute la famille qui va en profiter. Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche, liste et conditions sur Conforama.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter l'offre du jour. Mon fils m'inquiète, il mange du sable et des graviers. Donne-lui des rochers. En ce moment, pour l'achat d'un cône de 28 Ferrero Rocher, le deuxième est à moitié prix et c'est seulement jusqu'au 9 décembre dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. La boîte de 350 grammes. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193€ avec la reprise de votre mobile. Alors, comment ça se passe chez Sport 2000 ? Dans notre magasin de Pontcharras sur Turdine, que du bonheur, Antoine Griezmann. La preuve, avec notre sélection de Noël. Jusqu'au 24 décembre, par exemple, la veste Sherpa Homme Quicksilver est à 49,95€, soit 41% de remise. Ça match. Joyeux Noël, Antoine Griezmann. Sport 2000. Ça match. Voir conditions en magasin. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, on repart donc sur le cas d'Adrien. Il a acheté un camion à presque 40 000 euros, mais les feux ne fonctionnent pas. Il doit donc emprunter le camion d'un collègue. Nous appelons donc le vendeur pour qu'il nous explique ce qui se passe, pour qu'il nous donne surtout sa version des faits, comme nous le faisons régulièrement pour tous les cas. Pas de cas qui avance tant qu'on n'a pas la partie adverse qui nous donne sa version. Le vendeur se trouve dans le 31. Là, ce que vous entendez derrière, c'est Maître de Comon qui est en train de faire un tri dans les différents prospectus qu'il a reçus ces 4 derniers jours dans la boîte aux lettres. C'est ce qu'il fait quand il vient, quand il y a des pauses comme ça, et il met de côté. Alors certains partent à la poubelle et puis d'autres de bonnes affaires. Comme par exemple, je l'ai vu une fois dans un sans aucun doute, ouais, mettre de côté un prospectus pour un costume qui était, je crois, à 85 euros. Ouais. Voilà. Et je confirme. Il m'a dit, j'y vais, j'achète, je vais en prendre 5. Ouais. Il a eu raison. Et je les porte encore. Mais oui, il n'aime pas le superflu. Alors, comment se fait-il que ça ne réponde pas dans cette société? Est-ce qu'on a un autre numéro, s'il vous plaît? Je crois qu'on a le numéro d'un commercial, oui, Charlotte. C'est parti. Allez, on y va. Deuxième numéro, c'est une grosse boîte, ça, pourtant. À moins que nous ayons été identifiés. Alors, le siège, c'est ce qui m'inquiète un peu plus. Après, s'il faut appeler le siège, il va falloir appeler. Écoutez bien. Allô? Oui, allô, Grégory? Oui. Bonjour Grégory, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Grégory, je vous explique le but de mon appel. Je suis avec Adrien Bouchera, vous le savez, vous avez vendu un camion avec, je crois, remorque. Non, pas un camion remorque. Vous voyez de qui il s'agit ? Un frigo. Voilà. Bon, et Adrien est en ligne avec nous parce que le pauvre a investi énormément d'argent et je crois, Adrien, expliquez en deux mois, Grégory, le but de votre appel ? Bonjour Grégory, comme bonjour, vous le savez, Adrien. Cela fait un an que j'ai un peu plus d'un an que j'ai un dispositif d'attelage qui est défectueux en fait. Et personne ne bouge. Et j'aimerais bien savoir comment on fait. Qui peut nous aider chez Station Diesel? Ça fait un an apparemment que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Alors ben, déjà, est-ce que vous reconnaissez, monsieur Grégory, qu'il y a eu des soucis sur ce... Ben, il a eu un problème d'attelage, je crois. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est le problème du faisceau d'attelage qui ne marche pas, je crois. Oui, tout mais alors, fait. Ça vient d'où? Ça vient du camion? Non. Le faisceau d'attelage, Adrien le sait, on l'a fait sous-traiter le montage, c'est Rodi. Bon. Mais vous, monsieur, voilà. Quand il vous l'a acheté, il vous a dit, j'achète un camion auquel je vais accrocher une remorque. Donc, vous avez sous-traité pour le faisceau d'attelage, on est d'accord? Oui. Bon, oui, donc à partir de là... Au niveau de la garantie de l'attelage, elle était faite chez Rodi. Et chez Rodi a toujours dit, je prends en charge la garantie sur le problème de faisceau. Donc vous dites, c'est maintenant Rodi qui a toute la responsabilité. Qu'est-ce qu'ils vous disent à vous, Rodi? Et bienvenue. Le dossier a été transmis à l'assurance. Ah, attendez, je crois justement, ça tombe bien, on a quelqu'un de chez Rodi. Ne bougez pas, regardez, comme ça on va voir tous parler ensemble. Allô, Rodi? Oui. Bonjour monsieur, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec Grégory Madère de Station Diesel et avec Adrien Bouchera, le client au départ qui a acheté donc un camion, vous le savez, avec attelage, qui n'a jamais fonctionné en ce qui concerne l'électricité, je crois, de l'attelage, et ça fait un an. Donc j'ai appelé le vendeur Station Diesel par le biais de son commercial qui est en ligne, qui m'a dit oui mais nous c'est pas notre faute, on a sous-traité avec Rodi à Grillon et c'est eux qui doivent le faire marcher. Et ça fait un an que personne n'arrive à faire marcher, alors on essaie d'aider ce monsieur ce matin. Que pouvez-vous nous dire, vous, monsieur, de chez Rodi? Bah, attendez, déjà, je vais prendre l'immatriculation. Oui, avec plaisir. Je vous donne ça hors antenne. Non, je peux vous le donner. Bah, je vais vous le donner hors antenne. Bougez pas. Vous le donnez, s'il vous plaît, Charlotte. Voilà. Si vous pouviez nous accorder, Grégory, deux minutes, le temps que ce monsieur nous donne une explication. On discute à trois et on essaie, vous comprenez bien, de lui régler son problème. Lui, il est sympa. Il est client. Il vient, il paie et ça ne marche pas depuis un an. Alors, est-ce que c'est Station Diesel? Est-ce que c'est Rodi ou est-ce que c'est vous deux qui allez l'aider? Mais vous ne pouvez pas laisser un client qui a payé dans la panade. C'est un professionnel depuis un an. Vous comprenez ça? Mais il y a une procédure d'assurance, M. Courbet, qui est en cours, apparemment. Mais monsieur, pendant un an, la procédure d'assurance, comment il fait pour bosser? Mais la prise en charge au niveau de la garantie, Rodi a toujours été d'accord pour prendre en charge la réparation. Mais je ne sais pas, moi j'essaie de savoir qui est... Alors, attendez, Maître Félonneau vous parle. Oui, bonjour monsieur. Moi, ce que je ne comprends pas, bonjour. C'est qu'on a en fait dans notre dossier multiples demandes qui ont été faites aux vendeurs, et non pas à vous, qui êtes un sous-traitant de Thermoking. Non, c'était monsieur de Station Diesel qui vous parlait. Alors, Station Diesel, alors, vous savez très bien la revendication. Il y a eu une expertise. Vous avez été convoqué, et ni vous, ni Rodi, enfin, il y avait personne, en fait, alors, pour répondre. Donc vous vous rendez compte, monsieur, quand même, que vous ne vous déplacez même pas aux expertises de vos clients quand il y a un souci? Non, mais c'est pas moi qui a me déplacer. On a une prise en charge au niveau d'une assurance. Bon, alors écoutez, est-ce que vous pouvez appeler Eric Garcia? Parce que là, il faut vraiment rassurer tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient contracter avec vous. Parce que là, vous mettez-vous à la place du client. Lui, Adrien, il ne connaissait pas Rodi. Vous êtes bien d'accord avec moi quand il est venu, quand vous lui avez vendu le camion? Grégory. Mais je savais que je lui avais sous-traité le montage de l'attelage, je lui avais dit. On va lui demander, Adrien. Moi, j'ai jamais été au courant que la révision et que l'attelage a été sous-traité. Et puis c'est pas marqué dans le bon de commande nulle part dans aucun dossier. Voilà. Et puis c'est pas le problème juridique. Juridiquement, c'est celui à qui l'achète qui est responsable. Qui est en ligne, Bernard ? Oui, j'ai Monsieur Eric Garcia, Julien, justement. Ah bah ça tombe bien. Monsieur Garcia, vous m'entendez ? Allô ? Bonjour, Monsieur Garcia. Vous m'entendez maintenant ? Allô, allô ? Oui, est-ce que vous m'entendez, Monsieur Garcia ? Pas du tout. Ah, très mal. Bon, alors je vais essayer de vous parler. Écoutez, voilà ce que je fais. Je vais vous parler différemment et puis je vais vous rebrancher après. Je suis Julien Courbet. Nous sommes sur l'antenne d'RTL. Allô, vous m'entendez ? Oui, alors c'est. On vous appelle. Est-ce qu'on peut vous appeler sur la ligne de station diesel ? Vous l'avez fait. Oui, mais alors on va vous appeler sur d'un autre poste qui marche mieux. Nous sommes à la radio. C'est Julien Courbet. Nous sommes sur RTL. J'ai en ligne Grégory Madère, votre commercial, Rodi, le sous-traitant, et un client, Adrien Bouchera, qui vous a acheté donc un camion avec possibilité de remorque. Vous avez été faire sous-traiter pour la remorque. Ça fait un an que la remorque ne marche pas. Elle n'a jamais marché pour des problèmes d'électricité. Et on veut juste l'aider ce matin. Vous pouvez nous aider, monsieur ? Si je peux, oui. Bon, bah, tant mieux, parce que c'est votre client, ça serait super. Alors, je rechange de ligne et je vous appelle sur une autre ligne. Merci à vous tous de rester quelques instants en ligne avec nous, de manière à ce que l'on puisse avancer dans ce dossier. C'est Jane qui est là, le temps d'avoir tout le monde et de rappeler tout le monde. Ça va être très intéressant ce qui va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Restez avec nous. Blackburn, I'm so long without you, boy. Dossier avec Adrien. On le rappelle rapidement, Céline. Il y a plus d'un an, il a acheté un camion à un professionnel et les faits n'ont jamais fonctionné. Très rapidement, Maître Fellonneau, sont en ligne. Adrien, c'est celui qui achète un camion et il veut un camion avec un attelage. Un attelage. Et vous savez que quand vous avez un attelage, quand vous freinez, les feux arrière s'allument. Il doit fonctionner comme l'arrière de votre véhicule. Et ce n'est pas le cas. Et ça n'a jamais marché. Quand il met l'attelage, ça ne s'éclaire pas, etc. Donc il se retourne vers celui qui lui a vendu le camion station diesel, qui lui dit, mais attendez, nous, on a confié l'installation de l'attelage à Wadi. Et tout le monde est en ligne, nous allons les prendre dans quelques instants. Mais encore une fois, j'espère que ces deux professionnels comprendront qu'au milieu, il y a entre guillemets un couillon qui lui n'a fait que payer. Et ça fait un an que ça ne marche pas. Et il est obligé de se faire prêter pour bosser. Alors, essayons de montrer qu'on est là pour aider le client quand on achète. À tout de suite sur RTL. En Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire la compacte urbaine Peugeot 208 et si vous êtes impatient de déjouer les contraintes de la ville et de vous garer facilement avec son parc assist,

pas le président de Rodi, non, pas du tout. Il est fait quoi alors, monsieur Bourdoiseau, exactement? Monsieur Bourdoiseau, il fait partie du bureau du conseil d'administration. Ah, d'accord. Le président de Rodi, c'est monsieur Denis Larquier. Alors, monsieur Denis Larquier. Alors, monsieur de Rodi à Grillon, que fait-on donc, puisque Station des Ailes dit, nous, on sait pas notre métier, on a confié ça à Rodi, c'est Rodi qui... Exactement, voilà. Donc, nous, ça fait un an. Il nous a demandé de faire ce travail comme il nous demande sur pas mal de ces véhicules, de lui monter les attelages. Comme j'expliquais à votre collègue tout à l'heure, nous avons effectué le montage de l'attelage et le montage du faisceau dans nos ateliers. Tous véhicules qui sortent de nos ateliers pour un montage de faisceau et d'attelage sont vérifiés avec deux contrôles bien particuliers. Donc contrôle mais que le faisceau fonctionne et que tous les feux de signalisation sur le véhicule fonctionnent. Donc ce véhicule est sorti le 31 juillet de mes ateliers avec un fonctionnement correct. D'accord. Quelques mois après, le véhicule au niveau du faisceau ne fonctionnait pas correctement. Donc ce monsieur a été vers la région de Saumur. Donc je l'ai invité à aller voir monsieur Bourdoiseau et d'aller faire vérifier son faisceau, qui a été vérifié, problématique du faisceau. Donc moi j'ai donné ordre à Rodi de Saumur de remplacer ce faisceau. D'accord. Voilà, ce client à l'heure d'aujourd'hui n'a pas voulu qu'on remplace ce faisceau, par la même chose, a préféré se diriger vers la concession Mercedes. Alors ça, c'est intéressant, je me tourne vers Adrien, est-ce que vous avez refusé l'aide que vous proposez Rodi? Moi si vous voulez, j'ai passé 2 heures dans leur atelier, personne n'a trouvé la panne. D'accord. Ils ont changé les fusibles, ils ont changé des boîtiers. Et après, moi, je suis un peu perdu parce qu'il n'y a pas que les feux qui ne fonctionnent pas. Alors attendez, Adrien, il vous a dit on va changer le faisceau. Est-ce que vous leur avez dit non, vous ne changez pas le faisceau? J'ai juste refusé un boîtier électronique. Ben oui, mais si c'est le boîtier électronique qui fait marcher la... Ça a été testé à Saumur. Tout fonctionne. Ah, bon. Alors, si le faisceau ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de boîtier. C'est le boîtier qui donne l'information au faisceau de marché. Est-ce que vous accepteriez, Adrien, si ce monsieur de Rodi était d'accord, qu'une fois pour toutes, vous lui laissez ce camion, monsieur, et vous le réparez, vous êtes des pros, et il est content, et on n'en parle sûr, plus. Il y a une garantie. Bon, alors Adrien, laissez-le à Rodi. Nous, on ne fait pas l'autruche, hein, monsieur. Des soucis, donc, on en a... Moi, le souci, c'est qu'il faut que j'aille à ce mur. Comment? Ben, j'aille à Saumur. Oui, mais attendez, Adrien, vous l'avez acheté où, à Saumur? À Toulouse. Non, pas du tout, j'ai acheté à Toulouse, ouais. Bon, écoutez, il faut qu'on trouve une solution, mais Adrien... Solution, enfin, nous, on a toujours été là pour trouver des solutions. Et comme je disais tout à l'heure à votre collègue, nous, tous les faisceaux et les attelages qu'on monte sur nos véhicules sortent de la société de chez Bozal. Bozal, c'est les numéros 1 européens en attelage et en faisceaux. Ils n'ont aucun problème sur leur... Non, monsieur, je suis d'accord avec vous. Tout marche, sauf celui-là. Essayons d'être... Allons l'essentiel. Non, on va pas rentrer dans la technique, Adrien. J'ai juste une question à vous poser. Rodi, est-ce que vous avez un Rodi près de là où est Adrien? Adrien se situe où aujourd'hui? Vous êtes où, Adrien? À Angers. J'ai à Saumur. À Angers, bon voilà. Angers-Saumur, c'est combien? 50 minutes. De kilomètres. Combien? 50 minutes de Rodi. Vous pouvez y aller quand même, Adrien, faire 50 minutes de Rodi, vous le réparez. C'est qu'il y a plus grave que ça. Mais peu importe, Adrien, écoutez-moi. Peu importe, vous allez là-bas et Rodi doit tout réparer. Il faut que ça marche. Mais allez-y, faites 50 km enfin, Adrien. C'est rien, 50 km pour un camion. Non, j'entends bien, mais il y a des risques de départ de feu. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Écoutez, Rodi, Vous avez, je peux envoyer le rapport d'expert, monsieur, à Rodi. Je peux lui envoyer. Alors, écoutez, on va faire plus simple. S'il y a un départ de feu, etc., vous en prenez la responsabilité, monsieur Rodi. Pardon? J'ai dit, faites venir un remorqueur qui vous remorque le véhicule. Mais c'est pas à lui de financer ça si ça marche pas. Si réellement il y a vraiment un départ de feu, il faut que ce véhicule soit immobilisé depuis le 31 juillet 2017. Il faut pas rouler avec cette voiture. Mais est-ce que vous avez roulé avec Adrien depuis que vous l'avez acheté? Bon, alors, les moyens d'immobiliser. Adrien, si vous le prenez tous les jours avec un risque de départ de feu, vous pouvez faire 50 km. J'arrive pas à comprendre ce que vous voulez, Adrien. On va se retrouver dans quelques instants. Je dois marquer une pause, mais là voilà. La solution qu'a trouvé RTL, c'est que ce monsieur est un pro, il dit, il me l'amène et il ne ressortira que quand il marchera ce camion. Il faut juste qu'il me l'amène à 50 km. Voilà, ça me paraît tout à fait bien. Maintenant, vous allez me dire dans une seconde s'il vous faut plus ou pas, mais bon, je crois qu'on a la solution. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Pour Noël chez Carrefour, l'enceinte à commande vocale Google Home Mini, t'as seulement 19,90€ au lieu de 59€. Non mais 19,90€ seulement! Parfait pour mes cadeaux de Noël! Résultat des courses, Google Home Mini pour papa, pour mamie, pour tante Anne. Ok Google? Jusqu'au 18 décembre dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à seulement 19,90€ au lieu de 59€. Carrefour. Garantie 2 ans, différents coloris, offre valable à partir de 150€ d'achat hors Google Home Mini. Offre, modalité et magasin Carrefour participant sur carrefour.fr. Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, j'ai changé de mobile avec Orange. Et avec l'appli Transfert des données, j'ai récupéré toutes mes données. Oui, mais moi, j'ai changé de mobile avec un expert Orange, en boutique. Et il m'a transféré tous mes contacts. Oui, bah moi, l'expert Orange, il m'a aussi transféré mes photos, mes vidéos et même mes SMS. Et l'expert Orange, il ouvre les huîtres aussi ? Changer de mobile, c'est facile avec Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Prestations valables pour un seul équipement pour clients Orange. Tarifs et conditions en boutique et sur orange.fr. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture ? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Il y a les vins très... Et puis, il y a le Bordeaux qui se fait remarquer. Blaye Côte de Bordeaux. Authentique et convivial, Blaye Côte de Bordeaux a une touche d'audace en plus. Attention, l'AOC Blaye Côte de Bordeaux peut vous faire changer de regard sur le Bordeaux. Blaye Côte de Bordeaux, remarquable. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Allopneu.com. Le plaisir de la glisse, l'adrénaline, le chrono, c'est très bien sur les pistes, mais sur la route, mieux vaut le pneu Michelin Alpin 6. Virage après virage, il tient la distance au freinage comme en accélération. Sur la neige, c'est lui le champion. Savourez la route jusqu'au bout de l'hiver. Pour tout achat de pneus Michelin, tentez de gagner un dîner de chef servi à domicile et recevez jusqu'à 80 euros. Valable jusqu'au 18 décembre 2018. Règlements et conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes donc sur le cas de Jean-Claude, d'Adrien, de Paul, de Martine, de Françoise, de Jackie, de Jean-Pierre, de Marie-Bernadette. Alors allez-y, c'est Adrien. Adrien, il a acheté un camion avec un attelage pour remorque, mais les feux de cette remorque ne fonctionnent pas. Bon, alors, je voudrais rappeler juste le principe de l'émission. Nous sommes une émission de négociation. Celui qui réclame tout, qui veut tout, et il a le droit, il va voir un juge. Nous, nous sommes là pour dire, attendez les gars, on se met autour de la table, chacun fait un petit effort. Donc, peu importe ce qui s'est passé, on n'est pas là pour donner non plus des leçons aux professionnels, on serait très mal placé vu les guignols dont je fais partie qui font cette émission, mais on est juste là pour essayer de faire marcher le bon sens. Moi, j'ai un patron de Rodi qui dit, il me l'amène, on est des pros, c'est notre métier, on va lui réparer. Donc, s'il vous plaît, Adrien, ça sert à rien de tout lister, ce qu'il faut, c'est qu'en sortant de chez Rodi, eh bien, quand vous mettez le clignotant, ça clignote, quand vous freinez, ça s'allume, basta. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour lui reporter, et on se fait le point dans 15 jours, on dit que tout le monde va bien et qu'on est tous sortis la tête haute de tout ça? Allez, j'en laisse une dernière chance. Mais oui, ah, mais c'est bon, allez, bravo Rodi. Donc monsieur, il vous l'amène là très rapidement et dans je ne sais pas combien de temps il va falloir pour réparer tout ça, dans quelques jours juste avant Noël peut-être, on fait ça ensemble. Moi, dès que je raccroche, j'appelle le Rodi de Saumur, hein, c'est monsieur Prat qui parle, hein, pour que ce client soit bien réceptionné, qu'on fasse en sorte que tout fonctionne. Et juste, je mettrai juste un dernier mot pour notre enseigne au National Rodi. Notre fonctionnement au quotidien, c'est la fidélité de nos clients et justement on est là pour les garder et pour faire au mieux de ce qu'on peut, en tout cas. Eh bien, tant mieux. Vous allez peut-être pouvoir garder celui-ci. On se parle dans une dizaine de jours. Adrien, le rendez-vous est pris par JB qui vous rappelle dans 10 jours. Vous nous dites où vous en êtes, d'accord ? Bonne journée à tous. Allez, merci à vous deux. Merci. Hervé Pouchol, encore une fois, vous qui avez géré énormément de conflits de voisinage pendant des années, voilà, il faut savoir dépasser à un moment donné la rancœur et se dire, je mets tout ce qui s'est passé de côté pour essayer d'avancer positivement. Salut la franchise de Monsieur Garcia qui a vraiment fait un effort justement pour aider à la résolution de ce dossier. C'est parfait, nous allons donc pouvoir attaquer les cas qui bloquent. Jean-Philippe, il a payé 30 000 euros à un artisan qui n'a pas terminé les travaux. Pourtant, le devis a été signé en mars 2016. On va écouter maintenant un chef-d'œuvre, c'est Faith de George Michael. Vous connaissez tous cette chanson. Alors juste un petit extrait, puis juste parce que les paroles, finalement, c'est peut-être des fois mieux en anglais. Parce que quand tu écoutes la chanson, voilà, vous allez entendre. Je vais essayer de traduire en même temps, on le remettra. corps. Eh bien, je suppose qu'il serait agréable. Si je pouvais toucher ton corps, je sais, tout le monde n'a pas un corps comme le tien. Bah oui, effectivement. Il lui dit, écoute, excuse-moi, Françoise, on va se parler entre amis. J'aimerais bien toucher ton corps, car je dois te le dire, j'en ai touché d'autres et rares sont ceux que j'ai touchés qui étaient aussi beaux que le tien. Donc si tu pouvais, s'il te plaît, me faire cette petite faveur, est-ce qu'on vous a déjà parlé comme ça dans votre numéro ? Mais écoutez, je ne sais pas s'il serait adressé à moi déjà, donc je ne sais pas s'il y a une Françoise mais qui si, était destinataire. Moi je vous le dis, chanson, si j'avais été compositeur, c'est pour vous que j'aurais composé cette chanson en fesse. Voilà. Mais non, non, s'il vous plaît. Je ne vais pas lui toucher la foi. S'il vous plaît, maître de Caumont, oui. C'est George Michael, ce oui. Couillon, a voulu aller le voir, s'est acheté deux places, et tout d'un coup arrive un homme sur scène. Franck Michael, c'est George, ça fait une heure. Alors il était déçu parce qu'il dit à sa femme, déjà il a changé physiquement. Après il lui a dit, mais je reconnais pas Carless Whisper, je reconnais pas toutes ses chansons. Et c'est qu'à la fin qu'il a compris la méprise. Bon, dans une seconde s'il vous plaît Céline. On reviendra sur le dossier de Jean-Philippe qui a payé plus de 30 000 euros à un artisan et les travaux ne sont pas terminés. Vous allez voir que là encore, on avait un artisan qui nous a dit, je crois hier, vous savez quoi, je vais venir demain matin chez lui. Est-il venu? Nous allons le savoir dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Merci d'être avec nous, c'est le 9h30, 11h. Joyeux Noël par avance à vous tous. h 12h30. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Dites donc Michel, il est bien garni votre panier. Je sens qu'il va y avoir une fête à la maison d'ici peu. C'est beau comme vous en parlez. Mais c'est normal Michel, chez nous, les légumes sont cueillis et accueillis à la bonne heure. Oui les filles, pas de soucis. Michel Bernier est dans À la bonne heure. Et À la bonne heure, c'est à 11h sur RTL. À tout à l'heure. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. J'ai trouvé un super cadeau de Noël pour ma femme dans le catalogue cadeau Carrefour. Un magnifique pull 100% cachemire à 49,99€. Non mais un cachemire à seulement 49,99€. Résultat des courses, un cadeau doux pour ma femme et mon porte-monnaie. Jusqu'au 10 décembre pour Noël, découvrez des centaines d'idées cadeaux à prix exceptionnel dans vos hypermarchés Carrefour. Comme par exemple le pull Tex 100% cachemire double fil à seulement 49,99€. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Taille S à XL, homme ou femme, différents coloris, guide cadeau, magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Alors ? Je vois, 5000 appartements neufs. 5000, c'est bon ça ? Oui, très très bon pour l'investissement. Je vois des logements idéalement situés, avec des prestations de qualité. Excellent. Ensuite ? Je vois des taux bas et des mètres carrés offerts. Ah bon ? Combien ? 3. 3 mètres carrés, c'est génial. Et vous arrivez à voir tout ça dans une boule de cristal ? Ah bah non, je suis sur le site de Cogedim, c'est plus sûr. Il est mignon. Avant le 21 décembre, Cogedim vous offre jusqu'à 3 mètres carrés sur 5000 logements neufs. Cogedim. Vous verrez la différence. Plus d'infos sur cogedim.com. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Leclerc. Chérie, tu notes mercredi 5 décembre chez Leclerc, 50% de tickets Leclerc sur toutes les décos de Noël. Toutes les décorations de Noël ? Oui madame, les boules, les guirlandes, les décos de Noël électriques, le tout avec 50% de tickets Leclerc. Je vais te faire un de ces sapins. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Le 5 décembre, bénéficiez de 50% de tickets Leclerc sur toutes les décorations de Noël. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 50% de tickets Leclerc sur la déco de Noël ? Mercredi 5 décembre seulement. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL revient sur le cas de Jean-Philippe. Il a signé un devis avec un artisan en mars 2016. 30 000 euros plus tard, les travaux ne sont pas terminés. Alors, on l'avait vu, il y avait des dressings non réalisés, il manquait la porte des WC, ce qui est quand même, il faut le dire, assez embêtant. La façade n'a pas été rénovée, le balcon non plus. Hier, nous avons appelé l'artisan qui gentiment nous a répondu et nous a donc dit, quand on lui a dit « Monsieur, venez finir les travaux. Vous ne pouvez pas prendre de nouveaux chantiers tant que les anciens n'ont pas été terminés. » Eh bien, je passerai demain matin. Voilà. À quelle heure, monsieur, s'il vous plaît ? À 7h30-8h. Bon, finalement, on s'était dit un petit 8h30-9h30, ça m'arrange plus. Nous avait dit Jean-Philippe. Il est 10h41 et nous sommes en direct sur RTL. Est-ce que Jean-Philippe est en ligne avec moi ? Oui, je suis là, Julien. Jean-Philippe, qu'avez-vous à nous dire concernant la promesse de notre artisan ? Alors bonjour tout d'abord à toute l'équipe. Donc l'artisan s'est bien présenté ce matin à 8h30 pile. Nous avons pu discuter, on va dire intelligemment ce matin pour mettre les choses au clair. Et nous avons convenu une intervention pour la porte des toilettes et le balcon dans un premier temps lundi prochain le 10 décembre. L'artisan s'est engagé à me faire un écrit s'engageant pour cette échéance. Et nous avons convenu que la façade serait réalisée avant la fin du mois d'avril. Il est difficile d'entreprendre des travaux de façade en plein hiver pour des raisons de qualité, tout simplement. Donc il va également me faire un écrit dans ce sens-là pour une date s'engageant pour avant la fin du mois d'avril. On dit bravo voilà. Bernard à monsieur Drouard, on n'est pas là pour embêter les gens, on est simplement là pour leur dire ben voilà monsieur, il a payé, vous devez finir le chantier, vous ne pouvez pas abandonner comme ça sans raison un chantier. Oui, son argument c'était de dire je suis passé il y a 3 semaines, ce client n'était pas là, donc désolé j'ai pas eu le temps de revenir. Maintenant ça y est, les rendez-vous sont pris, on va suivre ça de très près. Julien. Alors attention Jean-Philippe, parce que quand la porte des toilettes va être posée, vous qui avez été habitué à ces toilettes ouvertes, vous allez y prendre goût, ne restez pas enfermé pendant 5 jours à l'intérieur. Il faut sortir maintenant. Ah non, je suis trop bien, foutez-moi la paix. Il va se sentir, il va pas vouloir, il va passer Noël, Pâques, le jour de l'an. Ça va être sa nouvelle maison de campagne, les toilettes. Ça va être un vrai palais. Mesdames et messieurs, c'était Jean-Philippe Larue qui était avec nous. Dans la rue, il y a des toilettes qui n'ont pas de porte. Et je dois dire que ça dépote. Bon, enfin bon. Merci en tout cas Jean-Philippe, je vous souhaite une belle merci journée. À, vous. À très bientôt. Merci vous vous rappelez ceci étant dit de ce titre. Oui. Au revoir, Jean-Philippe, joyeux Noël. Oui, c'était Philippe Swan. Philippe Swan, remettez un petit extrait. Je crois qu'il n'avait fait que ça, mais alors c'était vachement bien. Oh, comme Jean-Philippe s'appelait la rue, c'était l'occasion de le ressortir. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, nous allons avoir Jean-Marc dans une seconde sur l'antenne d'RTL. C'est la farandole des cas qui bloquent, mais pas pour longtemps. longtemps car ne nous lâchons jamais l'affaire sur RTL. Il gère un magasin de réparation de deux roues. Un client lui doit 9 566 €. Il a d'abord payé avec un chèque en bois, puis avec un chèque qu'il a déclaré comme volé. Eh bien, nous allons nous en occuper après avoir écouté ce duo inattendu. D'un côté, Maître Gims, de l'autre, Vianney. Ça fait un carton. C'est extrait de la compilation double CD Les Hits RTL 2018. Et nous allons mettre l'intro la même en réécoutant Maître Felonneau, victime, je le rappelle, d'une sabaïte, une maladie virale qui actuellement touche tous ceux qui côtoient Bernard Sabat. Alors on y va. En un mois pris, se gêne pas pour le débiter. Pour le débiter. C'est notre game, c'est Vianney sur RTL. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey! On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Dans quelques instants sur RTL en direct, énorme retour Maître Felonneau puisque nous reviendrons sur Jean-Marc. Rappelons ce qui est arrivé à Jean-Marc. Jean-Marc est réparateur de moto. Un jour un taxi-moto vient lui faire réparer, il la répare, il fait une facture, la facture n'est pas payée, Jean-Marc décide d'aller au tribunal, le tribunal condamne le taxi-moto à payer, rajoute 2 000 €, ce qui nous en fait près de 9 000, mais là on s'aperçoit que le taxi-moto donne un premier chèque qui est une société qui avait pourtant fermé il y a 4 ans, il en fait un deuxième qu'il déclare perdu alors qu'il ne l'est pas perdu puisqu'il l'a mis dans les mains de Jean-Marc, et aujourd'hui il a la situation est bloquée. Oh, et il y avait un deuxième problème, sœur Felonneau, avec la banque. Pourquoi la banque ? La banque qui est la banque du vendeur, donc, qui a reçu cette opposition pour chèque perdu. On sait que c'est une opposition frauduleuse. Elle a été condamnée par le tribunal à lever cette opposition. Hein, ce n'est pas une condamnation très grave, mais à le faire. Et on ne savait pas si ça avait été fait ou pas. Y aura-t-il du nouveau, Bernard Sabat ? Ah oui, j'ai du nouveau et des écrits surtout. Eh bien, à tout de suite. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des 2 premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur reglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman a rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Et ? Et j'ai noté l'heure sur un papier. Et tu l'as perdu. Ben voilà, c'est ça. Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser. La prochaine fois, note ces rendez-vous sur le site mylandmeilleuresanté.fr. Leur calendrier en ligne est super pratique. mylandmeilleuresanté.fr, tu dis ? C'est ça. Ouais, je vais le noter sur un papier. Avec mylandmeilleuresanté.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos proches au quotidien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. RTL. On a tellement de choses à se dire. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oui, et en ce moment, les 4 steaks hachés sont à 2,69€ les 400 grammes au lieu de 3,50€. 2,69€ les 4 steaks hachés ? Pure invention, oui. Ah bah, un pur bœuf origine France, oui. Et 100% muscle. À moins 23%, moi j'hésite pas. Voilà. Si, si, hésite. Sinon ton retour sera 100% musclé. Ah bah je suis mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 6,73€ le kilo, 15% de matière grasse sur produits finis. Offre valable jusqu'au mardi 11 décembre. Pour votre santé, bougez plus. Cette semaine, avec Télé 7 jours, achetez le CD des plus belles chansons de Noël. La totalité des bénéfices permettra d'offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés avec l'opération 100 Noël dans 100 hôpitaux. Le CD de Noël, plus votre magazine, 3,90€ seulement. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleurs effets spéciaux, Mégane avec l'affichage tête haute et toutes les infos réunies dans le champ de vision. Meilleur scénario, Mégane avec Multisense. En mode sport ou en mode confort, elle joue toujours juste. Et prix du meilleur prix, Mégane, bravo. Renault reprend votre voiture 4 000€ en plus de sa valeur pour l'achat d'une Mégane. French Touch touche française. Offre valable jusqu'au 31 décembre sur toute la gamme Mégane. Voir Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Donc le cas de Jean-Marc qui est de retour sur l'antenne d'RTL avec nous. Jean-Marc, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Alors j'ai résumé tout ce qui s'est passé. J'ai oublié un petit détail qui a pourtant son assurance. C'est que donc le taxi, monsieur Guédoni, a eu un accident, vous a donné la moto à réparer. Il y en avait pour 6 000, il n'a pas payé. Il y a eu l'histoire des deux chèques. Il vous en a fait un premier qui était d'une société fermée. Il en a fait un deuxième qu'il a été déclaré perdu alors qu'il voulait donner en main propre. Mais surtout, il a touché lui-même l'argent de l'assurance. Hier, nous avons eu, je crois, Soli Hazard. Soli Hazard, effectivement, qui nous a confirmé. Donc, ça veut dire qu'il s'est enrichi de 7 000€ à une moto qui a été réparée, qui n'a pas été payée. Bon, alors, après, il y avait la banque qui devait pouvoir lever la fameuse opposition. Sur le chèque perdu. Qu'en est-il, s'il vous plaît, Bernard Sabat ? Mais donc, j'ai reçu hier un mail, Julien. Je vous confirme que nous allons lever l'opposition sur le chèque remis. Bonne soirée, bien à vous, Olivier Durbise, de la direction de BNP Paribas. Voilà ce qu'ils nous écrivent, Julien. Alors, ça veut dire quoi, ça, maître Felono ? Felono ? Eh ben, mais voilà. Tout de suite... Encore à Porto ! Alors, ben, ça veut dire qu'effectivement, ce chèque qui était bloqué entre les mains de la BNP, sur ordre de son client, à cause de cette opposition, maintenant, va pouvoir être débloqué. On sait qu'il a été présenté récemment, pour une deuxième fois, en paiement. On va enfin pouvoir savoir maintenant si ce chèque va être payé, s'il va y avoir suffisamment de provisions. Mais... On le saura. Là, quand effectivement les écritures se passeront. On n'a pas de conseil à donner à monsieur Guédioni, mais là, vu la tournure des événements et vu qu'il a touché l'argent de l'assurance, moi je serai lui, je trouverai éventuellement un accord avec le garagiste en lui disant je te donne l'argent que m'a donné l'assurance, on laisse tomber les pénalités et on n'en parle plus parce que ça va finir mal cette histoire. Enfin bon, monsieur Abdelkader Guédioni, que vous avez régulièrement au téléphone, JB pour l'instant, qu'est-ce qu'il dit ? Il reste sur ses positions, hein. Pour lui, il attend en fait. La position, c'est qu'il dit, moi j'estime qu'il y en a pour 5 000€ de réparation, oui, et non 6 700, sauf que l'assurance... Elle lui a donné 7 566. Elle lui a donné 7 500, donc s'il peut se faire 2 500 de gratte, pourquoi pas, c'est ça l'histoire. Oui, c'est ça. Mais pour lui, la facture, elle ne correspond pas aux réparations qu'il y a eu. Pour lui, il y a des choses qui n'ont pas été réparées correctement, comme la béquille, comme un rétroviseur, donc il conteste. D'accord, mais il a gardé quand même l'argent de l'assurance. Il garde l'argent, oui. Bon, alors, monsieur Abdelkader Guédioni, le bienvenu, on va continuer à avancer sur ce dossier. On va d'ailleurs essayer d'avoir hors antenne cet après-midi Soli Hazard pour savoir quels sont leurs process quand quelqu'un comme ça touche l'argent d'une assurance qui est destinée à payer une réparation et que justement l'argent n'est pas redonné au réparateur. Si monsieur Guédioni Abdelkader de Vitry-sur-Seine veut intervenir, il est le bienvenu. Alors, vis-à-vis de la compagnie d'assurance, il n'y a rien à faire, elle a fait son job, elle a indemnisé son assuré, c'est-à-dire monsieur Guédioni, jusque-là tout va très bien. Oui, j'aimerais bien avoir leur avis quand même là-dessus. Ah mais je pense qu'effectivement ils ne l'apprécient pas, mais on ne peut pas leur faire de reproches en tout cas à ce niveau-là. Charlotte. Souvenez-vous, on avait eu un cas un petit peu similaire, il s'agissait de Michael Gouret qui était carrossier, qui avait réparé la voiture d'une dame, qui avait elle-même touché l'argent de l'assurance, et l'assurance nous avait répondu qu'elle ne se mêlait pas ensuite de ce qui était fait de l'argent qu'elle versait à son assuré. En fait, si Jean-Marc assigne effectivement M. Abdelkader Guédioni, il pourra prouver par A plus B grâce à une attestation de ce laser qu'il a touché l'assurance. Hein. Oui, en plus, je vous rappelle qu'il y a déjà une condamnation qui est définitive. Eh bien, alors, il ne va pas aller chercher plus loin. L'huissier doit aller chercher l'argent. C'est un huissier maintenant pour exécuter. On rappellera Maître Fix pour lui expliquer tout ça pour qu'il vienne sur l'antenne d'RTL demain nous dire ce qu'il compte faire. Bah, écoutez, c'est quand même incroyable cette histoire de M. Guédioni. Je suis sûr qu'on va arriver à trouver une solution. Il avait un chèque en bois. Le vendeur était aux abois. Guédioni aussi. Il a dit l'avoir perdu. Là, le vendeur l'avait dans le Guédioni aussi. Il a touché l'assurance. Enfin, c'est ce que l'on pense. Guédioni aussi. Il risque donc d'être saisi, peut-être même dès mercredi. Guédioni aussi. Voilà, parce qu'on n'a jamais réussi depuis le début de ce dossier à aller jusqu'au bout de la chanson. Et je me suis dit, aujourd'hui, il faut que j'arrive à aller jusqu'au bout. A tout de suite sur l'antenne RTL. Il y a toujours une bonne occasion pour commander Flunchtraiter. Vous venez d'avoir votre premier bébé, ou c'est la première neige de l'année. Flunchtraiter, quand c'est la fête chez la voisine, ou la flemme de faire la cuisine. Flunchtraiter, votre fils a eu la moyenne en maths. Flunchtraiter. Et pour les fêtes sans mettre la main à la pâte, Flunchtraiter. Toutes les occasions sont bonnes pour commander votre repas de fête en quelques clics sur flunch-traiter.fr. Jusqu'au 12 décembre, tentez de gagner votre repas de fête. Voir conditions et règlements sur flunchtraiter.fr. Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Claire Moisson à Poissy nous dit pourquoi. Je suis extrêmement sensible à la lumière et pendant très longtemps, j'hésitais à porter des verres de transition parce que je craignais qu'il n'y ait pas une bonne transition entre l'extérieur et l'intérieur. J'en ai parlé à mon opticien, en qui j'ai toute confiance, qui m'a parlé des verres Essilor Transition et après avoir testé, après avoir été vraiment bien conseillé. Je les porte tous les jours, je ne pourrais plus en passer. Sylvestre Longuet, l'opticien optique 2000 de Madame Moisson à Poissy. Ce qui est important, c'est que nos clients sortent de chez nous avec une vision nette et un équipement conforme à la prescription médicale. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tous les papiers. Alors Madame Moisson, contente d'Optique 2000? Très. Et en plus, tous les papiers ont été gérés pour moi. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien. Et voilà Madame Girard, une chaudière toute neuve aux normes PEB. Avec ça, vous allez maximiser votre PCI sans consommer plus de FOD. Le tout éligible au CITE, évidemment. Hein? Chez Volkswagen Véhicule Utilitaire, on vous comprend. Bénéficiez d'un crédit bail exceptionnel à 0% sur Cadivan et Transporter Van jusqu'au 31 décembre seulement. Trouvez le vôtre disponible immédiatement sur lemien.fr. Crédit bail 0% sur 36 mois, 90 000 km sur Cadivan et Transporter Van dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2018 sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur lemien.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Tu sais, à ton âge, j'avais le droit à une clémentine pour Noël. À ce prix-là? Mais je sais pas, on fera dans tes parents. Aujourd'hui, le mini-colis de 2,3 kg de clémentine est à 1,99€. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 87 centimes le kilo. Variété Clémenoulès, calibre 3-4, catégorie 1, origine Espagne. Et si on parlait Renault Occasion? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficie aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré avec Jean-Claude qui a acheté un véhicule neuf. Et il a résilié son contrat avec l'organisme de crédit. Pourtant, tous les mois, on continuait de le prélever. Eh bien, l'organisme de crédit a dit qu'il serait remboursé cette semaine. Autrement dit... Affaire réglée. Nous avons... Ensuite, attaquer le problème d'Adrien. Adrien, il a acheté un camion avec un attelage pour remorque, mais les feux de cette remorque ne fonctionnaient pas. Eh bien, nous avons trouvé un accord. Il ramène le camion, on va lui réparer complètement et d'ici une dizaine de jours, enfin, son camion marchera. Voilà. Et nous avons eu Jean-Philippe. Jean-Philippe qui attendait l'artisan. Oui, il avait signé un devis à 30 000 euros en mars 2016. L'artisan ne venait jamais. Eh bien, là encore, il est venu, il a commencé, il aura bientôt la porte de ses toilettes, ce qui était quand même l'urgence. Et puis après, tout le reste... Bon, et nous avons, je crois, non plus le temps de faire une bonne nouvelle. On la fera demain parce que Marie-Pierre a de super nouvelles, mais on l'aura demain matin. Est-ce que mon Stéphane est en ligne ? Absolument. Je suis plus qu'en ligne. Je suis dans le studio. Ah ben encore mieux. On est dans la même maison, savez-vous. Alors, je suis avec Michel Bernier. Michel Bernier qui s'est confié. Qui doit se demander où elle met les pieds aujourd'hui. Elle a tout raconté. Ça va, ma Michel ? Et toi, mon cœur ? Je vois que tu cartonnes. Dès qu'on la met devant une caméra, celle-ci, elle nous fait des 7 et des 8 millions. C'était effrayant. Oui. Je pensais qu'elle allait en amener de ses cartes. Dis donc, d'ailleurs, mais... on pourrait se faire une petite soirée tous les trois. Oui. Vous, dans une véranda, moi j'amène les fenêtres, elle amène le foie gras. On va se régaler, je vous le dis tout de suite. Hein. Je pense que ça c'est va super. Faire rêver. En même temps, s'il y a une